Chapitre 3. J'en fis une habitante des mers australes, prise par des pirates, sauvée par des Anglais, et tatouée par tout le monde. Quant à moi, laissant de côté les langues mortes, je devins simplement un patagon, son cornac, qui seul pouvait me faire entendre et obéir d'elle. C'était ce bon fouillepot, vieux serviteur toujours fidèle, qui criait ces belles choses à la porte. Grâce à son annonce et un javanais inventé pour notre plaisir, Rosita et moi passions notre vie à nous moquer des spectateurs. L'envie de rire nous prenait quelquefois, alors elle se retournait, mugissante, criait, grognait et étouffait la crise dans le ventre de son poulet cru. Moi, je me penchais pour l'apaiser, et nous nous tordions. Je ne riais pas toujours, cependant, et je poussais des soupirs plus longs que moi en la recrépissant, car je la peignais, comme on fait d'une porte, le pot de colle dans une main, le pinceau dans l'autre. Sur ces chairs que j'aimais, je jetais un manteau d'encre et d'huile, et je passais des anneaux de rideau dans son nez rose. C'était donc elle que je voyais là, rôdant comme une bête fauve, mâchant du caporal, crachant du feu. Plus de baisers maintenant. Un abîme. Il fallait attendre le soir. Et encore ne gardait-elle d'européen que ce qu'elle pouvait cacher. Et je n'avais guère qu'un tiers de blanche sur les deux tiers de sauvagesse. Ah, monsieur, c'est une douleur que je ne vous souhaite pas, d'avoir une maîtresse à mettre en couleur, et dont vous ne pouvez pas plus vous accrocher que d'un mur peint à neuf. Nous dûmes nous débarrasser de la petite fille qu'il aurait fallu tatouer aussi, et que nous préférâmes renvoyer à une vieille sœur de fouillepot, qui habitait la campagne. Une fois, pourtant, il nous prit envie à tous deux d'aller par les chemins, le soir, respirer les parfums qui viennent des prés et des bois. Je voulus revoir Rosita fraîche et coquette, autant que sa coquetterie pouvait se trouver bien de la robe d'indienne un peu fanée qui lui restait. La rivière passait à 10 minutes de notre tente. Elle sortit, encapuchonnée, et alla plonger son corps verni dans le flot clair. Mais les lavandières, qui battaient du linge au clair de lune, plus bas, la virent, et la devinèrent à la couleur de l'eau qui emportait en fuyant son caleçon de suie. Elles crièrent au linge sali, au fleuve troublé, et la poursuivirent en la couvrant de boue et de huée. Des hommes s'en mêlèrent. Je voulais me jeter dans la foule, prendre un des badauds qui l'insultait, et le casser sur mon genou. J'eus peur des gendarmes, de la prison. Je frémis à l'idée d'être séparé d'elle, et je l'entraînai dans l'obscurité. Dieu sait ce que nous allions devenir ainsi fait. Elle, demi-nue, moi, en général, sans chapeau. Nous n'avions pu rentrer sous la tente où l'on nous aurait suivis, et peut-être assommés. Fouillepot, qui était resté, eut bien de la peine à s'en tirer. C'est de jour-là qu'il dit adieu à la banque, et il nous fit savoir, quelques jours après, qu'il était auprès de Violette, et qu'il vivait de ses économies jointes à celles de sa sœur. Le hasard, cette providence des pauvres, mit sur notre chemin un enfant de la balle, un sautados, sauteur, qui venait, le pauvre garçon, d'enterrer sa mère à quelques lieues de là, et s'en allait, avec sa sœur orpheline, une enfant de 8 ans, rejoindre une troupe au bourg voisin. Nous l'appelâmes. La petite fille jeta un cri en nous voyant. Mais on s'approcha, on se reconnut. En 2 mots, je dis notre histoire. Le sautado me conta la sienne, il était pauvre lui aussi, bien pauvre. Mais il avait encore un vieux bonnet de clown qu'il me donna, et Rosita jeta sur ses épaules, que glaçait l'air froid de la nuit, son tapis de travail. Je mis l'enfant fatigué sur mon dos, et ainsi chargé, je conduisais la marche. J'avais l'air d'un de ces géants de la Bible que chassait le doigt des prophètes, et qui fuyait, emportant famille et patrie, sur une terre lointaine et maudite. On arriva sans encombre à l'auberge, où nous trouvâmes fraîchement débarquée la troupe qu'allait rejoindre notre compagnon. Le chef nous offrit de travailler avec lui, à condition toutefois que je donnerais ma démission de géant, et trouverais un truc nouveau. Il n'avait point de théâtre, et ne pouvait, ne voulait point en rétablir. Le sort en était jeté. Je ne réfléchis même pas. Je donnai congé au géant, et je me fis mancheur. On appelle mancheurs ceux qui ont ni baraque en planche ni tente en toile, mais simplement la permission, de par le préfet ou par le maire, de se tordre les membres, de se casser les reins comme ils l'entendent, dans les carrefours, sur les places, au coin des rues. Pour bureau de recette, ils ont une soucoupe cassée, un vieux plat d'étain. Allons, mesdames et messieurs, voici notre petit bureau. Un peu de courage à la poche, s'il vous plaît. Si notre travail vous paraît honnête et méritoire, ne nous oubliez pas. Nous recevons tout depuis 1 centime jusqu'à 1000 francs. Allez, musique, la chaise romaine. Et l'on recommence. Pendant qu'on exécute les exercices pour avoir les 7 sous qui manquent, 7 sous seulement, le pitre ou la fille fait le tour de la société et demande pour ses petits profits. Tous les malheureux qui s'en vont sous les fenêtres, dans les cours, jongler, chanter, sauter, qui ramassent à terre le sou jeté dans du papier, ceux qui, devant la porte des cafés, demandent à se disloquer ou se démembrer humblement, tous ceux, enfin, qui vont, quêtant l'obol sous le ciel, des mancheurs. Leur patrie, c'est la rue. La rue, c'est asile de la vieille banque, des bohémiens à la peau tannée ou aux jarrets maigres, qui dansent encore sur les œufs et se trémoussent à la manière des gitanas, en irritant de leurs doigts secs la peau des tambours de basque. L'asile, hélas, des clowns cassés, des pitres vidés, des monstres manquent. Pauvres gens, ils n'ont pour capital que leur souplesse et leur courage, mangeurs de vaches enragées et de poulets crus, qui avalent des sabres, boivent du plomb, mâchent du zinc, font la grenouille, le serpent, la perche, le grand écart, et soutiennent honorablement leur famille sur les cuisses. C'est dans cette armée triste de la bohème que je m'engageais. Je descendis des hauteurs de la rue et, pour vivre, je fis de tous les métiers. Je commençai par tenir la perche. Haut d'un bâton que porte, arc-bouté sur ses jambes, un homme aux reins d'Hercule, un autre homme monte. Puis, arrivé au haut, fait de la gymnastique, le drapeau de zinc, le bras de fer, enfin se pose à plat ventre sur le bout même, et, ainsi placé, comme un ver au bout d'une aiguille, se démène dans le vide, se trémousse et nage dans l'espace. Le mancheur n'est pas ici, comme le gagiste du cirque, sous un lustre aux lueurs tranquilles, mais les yeux dans l'air, par le soleil qui aveugle ou le vent qui souffle, il suit les mouvements de l'homme dont il a la charge. Qu'un rayon de soleil arrive tout à coup et éblouisse sa prunelle, que sous les pieds de l'athlète un caillou glisse, un peu de terre s'écrase, moins que cela. Il suffit d'un grain de poussière qui vole, d'une goutte de pluie qui tombe, si l'équilibre est dérangé, la perche vacille, échappe, et l'homme est mort. Ah, la première fois que je sentis au bout de ma perche un être vivant, étonné cette fois de se voir si haut, je tournai mon cœur en même temps que mes yeux vers le ciel. Dieu merci, je suis solide, et la perche n'a dévié que d'un quart de ligne, une fois. Il est si facile de se débarrasser d'un homme que l'on hait, quand on le tient ainsi, sa vie appuyée contre sa poitrine, près de son cœur. Cet homme est quelquefois un misérable qui vous a pris votre bonheur et a troublé pour jamais votre repos. Il mérite la mort. Une quinte de toux factice, un mouvement faux, la bretelle fatiguée d'avance, et tout est dit, justice est faite. J'ai failli me faire moi-même justice. Je tressaillis à ce terrible aveu. Oh, ce ne fut qu'une pensée d'un instant, un éclair. C'est trop déjà. Et Dieu me demandera compte de cette seconde dans l'éternité. Mais je n'ai tué personne, et celui qui devait mourir est toujours vivant. Vous le savez bien, me dit le géant qui me regarda. Le paillasse qui, ce matin... Et qui donc voulez-vous que ce soit ? Répondit le géant, presque avec colère. Il continua. Après avoir fait la perche, je fis les poids. Tout le monde peut, avec de l'exercice et bien enseigné, s'amuser d'un poids de 40 et une aiguère de saltimbanque qui n'ait été un peu Hercule à l'occasion. Il faut toucher à tout dans le métier. Pour moi, c'était chose peu dure, et si je souffrais quelquefois, ce n'était pas des bleus que me faisait le fer en retombant sur mes épaules, mais de la honte qui m'étouffait quand le souvenir de jadis revenait. Un jour, dans la foule, je vis une femme qui ressemblait à ma mère. Le poids que j'enlevais m'échappa du doigt, et, décrivant un cercle, alla, dans le bras d'une femme, briser la tête d'un enfant. Pauvre femme, elle ne poussa point un cri, mais elle s'affaissa, muette et blanche comme la cire. Moi, je voulais me tuer. Allons donc, si j'avais eu ce courage-là, je l'aurais fait depuis longtemps. J'étais trop lâche. peut-être aussi le nom de Violette, dit par Rosita. Violette, notre petite fille, que gardait la sœur de Fouillopo, fut-il le remède et la consolation. Je me souvins que j'avais une fille devant le cadavre de cet enfant. Je ne pouvais plus rester dans le pays, et la troupe d'ailleurs ne tenait point à me garder. Cet événement terrible pesait sur nous. On se quitta. Rosita, je dois le dire, se montra douce, aimante, dévouée. Elle trouva pour me consoler les paroles pleines de tendresse. Et c'est, hélas, à ce moment pénible que se rattachent mes plus doux et mes plus chers souvenirs. J'oubliais l'accident dont le hasard était seul coupable. Le hasard? Mais si je n'avais pas quitté ma mère et craint de la revoir, mon bras n'aurait pas tremblé, et le poids n'eût pas tué l'enfant. N'importe, au feu de la passion, mes remords se fondaient, et j'acceptais bravement, sans trop de honte, les aventures misérables par lesquelles il me fallut passer. Je mangeais des cailloux, du feu, je bus le plomb fondu jusqu'à la lie, j'entrais dans un four brûlant avec deux poulets crus, et j'en sortais les poulets cuits. Je me passais des barres de fer rouge sur la langue, et j'allumais un punch dans le creux de ma main. Vous aviez un secret? Oui, non. N'importe qui, sans préparation, peut tremper sa main dans le métal mis en fusion. Quelquefois, il faut s'enduire d'alun. Cela ne coûte pas cher, mais cela aussi ne rapporte guère. Il faudrait qu'il y eût des langues brûlées et des hommes flambés vivants. Personne encore n'a eu ce courage. Je me décidai à avaler des sabres. Mon professeur de sabre fut Jean de Vire, lui-même, un fanatique de son métier, le don Juan des festins d'acier. Il pratiquait son art domi et foris, dans la rue, au café, à table. Il s'introduisait par le nez des clous qu'on croyait voir ressortir par le crâne. Il se mettait des pointes dans le plafond. Les jours fériés, il tuait le veau gras. Il avalait une longue barre de fer agrémentée de gros boulons, avec des nodosités comme les genoux d'un goutteux. Il faisait aller et venir cette barre, la dégustait comme un sirop, puis la rendait sur le pavé où elle retombait avec fracas en s'écriant « Voilà du pain bien dur !» Il mourut dans nos bras un jour de l'an, après avoir laissé tomber trop bas une fourchette de pot-au-feu avec laquelle il aimait à jouer et qu'il emporta dans l'autre monde. Il me légua en mourant son buffet, toutes ses lames qu'il avait repassées au fil de son oesophage et qui étaient descendues sans lumière dans les caves de son estomac. Je vendis le tout pour acheter un petit fonds de phénomène, là que j'étais du métier en plein vent, et je traitais d'un entresort. Vous m'avez déjà entendu prononcer ce mot. Il vous indique lui-même ce qu'il signifie. On appelle ainsi ces spectacles qui ont pour théâtre ordinaire une vieille et sale voiture où gisent quelques repoussantes curiosités. Un rideau qui s'entr'ouvre, le monstre debout ou couché, qu'on explique ou qui parle, deux sous qu'on donne, on entre, on sort, voilà l'étymologie. Point d'autre frais que la pâtée et la litière à faire pour le phénomène à deux pieds ou à cinq pattes. Il rit, il pleure, il bêle, il hurle, grandit ou diminue, sèche ou engraisse. Il faut qu'il aille jusqu'au bout et que, la veille de son enterrement, il salue encore la société, qu'il fasse le beau, le mort, qu'il donne la main, la griffe ou sa bosse. Dieu sait tout ce qu'on voit quelquefois. Quelques échanges entre le bipède et le quadrumane, le crustacé et le mammifère, séries de plagiat et d'emprunts barbares, enfer pavé d'intentions horribles, de corps tronqués. Orphelin sinistre dont l'homme fait à l'image de Dieu repousse la paternité. Laissons là ses laideurs, je ne vous en parlerai plus. Il pourrait m'en vouloir d'ailleurs, et dire que je l'ai calomnie si j'oubliais ou j'ajoutais, race irritable aussi, celle des incomplets et des surabondants. Souvent le phénomène n'est pas vivant, il est empaillé ou confit. L'empaillé est presque toujours une bête, le confit un homme apparent, Théodore. Mais la paille sortait par le ventre de nos exceptions, et nous gagnions à peine de quoi la renouveler. Nous trouvâmes bientôt heureusement à nous employer. Un autre, plus heureux, joignit nos morts à ses vivants, et m'offrit des appointements particuliers pour mes 6 pieds 5 pouces. Rosita devait faire l'annonce. Je redevins géant et fis mon début entre l'homme sans bras, dit le piéton courageux, et la femme sans jambes, dit le rable mystérieux. le piéton courageux est ce gaillard, à qui vous avez vu faire l'exercice du fusil avec ses pieds, qui prise avec son orteil, et a des corps aux doigts qui tient la plume. L'Eurable mystérieux. Vous avez dû l'avoir rôdé par les rues sur une petite charrette traînée par un âne, et qui l'amène dans les banlieues, où elle a seulement le droit de se montrer depuis que, sur une place de Paris, elle a fait s'évanouir en agitant son moignon la femme enceinte d'un haut fonctionnaire, dont l'enfant, quand il vit le jour, avait laissé la moitié de lui-même dans l'autre monde. Elle marche résignée dans la vie, sur un derrière encrin, suivant les uns en chaîne, chaîne, C-H-E, accent circonflexe, N-E, suivant les autres, et pour être franc, je n'ai jamais su au juste si c'était de l'étoffe ou du bois, une pantoufle ou un sabot. Qu'importe, puisqu'elle exécutait là-dessus, là-dedans, comment dire, des danses passionnées et enivrantes. La voyez-vous asseoir sur un tabouret ce derrière étrange, et dont personne n'a pu soulever le voile, se balancer comme un tronc d'ours, et tout à coup partir, rouler, tournoyer, et ne s'arrêter que quand la foule étonnée dit « Assez, assez !» Alors, pour le dessert, elle vous offre de venir écouter son ventre, et l'on entend, dit-elle, comme le balancier d'une horloge. Elle a donc avalé une montre, ou caché là une pendule. Elle vivait amicalement alors avec le piéton courageux, et s'appuyait fière sur ses mollets. Coquette, d'ailleurs, exigeante, impérieuse, portant les culottes, si je puis appliquer cette locution à une femme qui n'a pas de jambes. Elle avait eu jadis deux enfants dont elle parlait au public avec orgueil. J'ai deux fils bien portants et conformés comme vous et moi. Voilà les deux côtés de l'angle dont j'étais le sommet. Les gens avec qui je devais vivre et que j'appelais du doux nom de frère et sœur. Ces deux êtres me méprisaient cordialement et me tourmentaient à plaisir. Le piéton courageux marchait sur mes bottes, m'égratignait les mains, le rable mystérieux me mordait aux jambes. J'avais fort à faire à me débarrasser de leurs étreintes. Et ces barabbas mutilés gênaient singulièrement mon calvaire. Rosita avait repris son métier d'aboyeuse et jappait à la porte. La troupe fit merveille, si bien qu'on ajouta une voiture à la première. On commanda une affiche, le musée vivant. Et l'on s'occupa de chercher un pitre. Ici, un soupir souleva la poitrine du géant, qui se remit et continua. Ce pitre, on le trouva. Vous le connaissez, c'est celui que vous avez vu ce matin dans la baraque, et qui y sera encore demain, toujours, tant qu'il y aura un sou dans la caisse et Rosita dans la maison. Oh, quand il arriva l'heure du souper, à la façon dont il s'assit, leva son verre, je compris qu'il allait être le maître et qu'il traînait le malheur après lui. Lorsqu'il monta sur les tréteaux pour faire avec Rosita la parade, je flageolais sur mes jambes de géant. J'avais toujours redouté pour elle, je veux dire pour moi, cette vie du tréteau, où elle serait l'héroïne des danses et des pantomimes lascives, où patron et paillasse auraient le droit d'embrasser ses épaules, de pétrir sa taille, où, devant elle, on marchanderait sa beauté. Je les avais vus par-dessus la toile, ces libertins oisifs, fils de famille aux lorgnons d'or, artistes aux longs cheveux noirs, rôdés autour des danseuses de cordes et des joueuses de castagnettes, auxquelles on jette d'abord un bouquet, puis une bourse. J'avais peur des deux, de la bourse et des fleurs surtout, car Rosita était femme à se griser de tous les parfums. Ils eurent ensemble un succès sans pareil, et tous les soirs la foule se pressait au pied de la baraque, pour assister à la parade et voir les farces de Bétinet, amoureux d'Isabelle. Bétinet, c'est le nom du pitre qu'il porte encore. Isabelle, c'est le nom de guerre de Rosita. Ce qu'il disait, je l'entendais à peine. Mais quelquefois, un baiser chantait sur les épaules de l'amoureuse, et je devenais pâle comme ce matin. Baiser de singe, c'est vrai, mais qui sonnait douloureusement dans mon cœur. Le piéton et l'Eurable s'étaient aperçus de ma jalousie et l'excitaient à coups de réticence et d'épigrammes. Ils me prenaient parfois des envies de me lever et d'aller voir. Mais mon état me le défendait, ma grandeur m'attachait au rivage. Pourtant, je ne laissais rien paraître de mes craintes. J'avais tant peur, et je redoublais pour Rosita de tendresse et d'affection. Je l'accablais de mon amour. Faute cruelle, irréparable, il ne faut jamais laisser croire aux femmes qu'on les aime de façon à ne pouvoir se passer d'elles. lâcher l'aveu, c'est user l'ascendant, tomber en quenouille, abdiquer. Et à moins d'avoir affaire à un ange, on dit qu'ils sont rares. Il suffit d'une occasion pour qu'on soit trahi. Elle se présente un jour sous la forme d'un homme vigoureux et roué. Roué, notre pitre l'était comme un faubourien corrompu. Sa vie était un roman comique où le pactole et le ruisseau s'étaient toujours croisés. C'était, dans la force du terme, un banquiste. Il aurait fait de M. Le Vernier un nègre et de M. Limérac un géant. Il avait commencé comme aveugle, allant chanter avec un frère de louage dans les cafés, les cours, tâtant la vie du bout de son bâton. Quand il eut amassé quelques sous par la cécité, il acheta un rotomago et vendit de la bonne fortanche. Nous appelons rotomago ou Thomas cette espèce de bocal dans lequel se balance un enfant en bois qui monte et remonte suivant qu'on pose ou que l'on retire le doigt. C'est ce magot noyé qu'on interroge et qui rend les décrets vendus à raison d'un sou ou deux qui veulent savoir le passé, le présent et l'avenir. Monsieur Tomago va nous dire ce que vous êtes. La bonne fortanche, c'est la bonne aventure. On gagne beaucoup d'argent à ce métier-là, plus parfois qu'à tiranger la brème, c'est-à-dire tirer les cartes. Bétinet roula jusqu'à ce que tout fût mangé, et le saint frusquin dévoré se remit aveugle. Enfin, une bonne chance se présentant, il revoit la lumière du ciel. Il trouve moyen de s'associer à un directeur de troupe qui, sachant ce que vaut un bon pitre, lui donne une part dans les bénéfices et devine tout le parti qu'il peut tirer de sa verve et de sa finesse. Il le charge d'émissions délicates et le voit toujours revenir triomphant. C'est une lutte terrible alors entre les directeurs et les saltimbanques. Dieu sait ce que ces malheureux ont dû payer. La Roche, à lui seul, a donné plus de 30 000 francs pour les droits des théâtres ou des pauvres. Bétinet se chargeait de mettre dedans l'ennemi. Un jour, c'était pour la foire de Saint-Quentin. Il part en avant, arrive à midi, reste avec les voitures aux portes de la ville, ôte sa blouse de voyage, en prend une plus déchirée et franche sa culotte, comme on dit que quelques régiments abîment exprès leur drapeau, pétrit sa casquette et arrache l'âme de ses souliers. Puis il demande le théâtre. Il s'y rend, monte l'escalier des artistes et se fait annoncer au directeur. On refuse de le recevoir, il insiste. Il est introduit. Le directeur, devant ce paquet de haillons, recule jusqu'à la fenêtre et l'ouvre. Bétine salue gauchement et dit son histoire. Il a un petit cabinet de magie blanche assez propre. Le directeur le toise et sourit. Si monsieur le directeur voulait bien lui laisser donner quelques représentations sur le théâtre. C'est trop fort cette fois. Le directeur se lève, prend son chapeau. Alors, dit Bétinet, je serai forcé d'affronter la place publique et de monter sur la place mon domingo. Mais pour les droits, je suis bien pauvre. Pouvez-vous me donner 20 francs? Dit le directeur en brossant son chapeau. 20 francs, c'est bien dur par le temps qui court. Enfin, si monsieur le directeur veut me signer un reçu, les voici. Bétinet tire en même temps d'un vieux bas mal ravaudé 20 francs en 4 pièces de 100 sous. Le directeur signe et l'on se quitte. 2 jours après, le même directeur descend son escalier, met le nez dehors. Il aperçoit en face de lui, devant son théâtre, une construction immense, un capitole en planches, et reconnaît son malheureux de l'avant-veille dans un petit homme tout affairé qui donne des ordres, comme César, à 4 charpentiers à la fois. Il s'approche, on cause. Le directeur dit qu'on l'a volé et va, du même pas, porter une assignation contre Bétinet au tribunal. On plaide. L'avocat du théâtre traîne les saltimbanques et Bétinet dans la boue. Bétinet, à son tour, s'avance. Mêlant la raillerie à la sensibilité, l'ironie aux larmes, il se défend. Ses enfants sont en pleurs, sa femme en couche. Il se laisse emporter par le torrent et prend en main le drapeau déchiré des saltimbanques. « Je suis en blouse, crie-t-il, mais elle est propre. J'ai des souliers, mais ils ont des talons. Et je connais des bottes. » Son œil va chercher sous la robe de l'avocat, pauvre diable qui marche sur ses tiges et ne sait où cacher ses pieds. « Je me saigne pour payer, mais je ne dois rien à personne. demandait à M. Doublet, l'honorable charpentier de la rue Notre-Dame. « Oui, dit M. Doublet dans l'auditoire. » Le coup est terrible. L'étoile du directeur pâlit. Bettinet élargit le débat. « Monsieur a dit !» Et il montrait le pauvre avocat rouge et les pieds honteux. « Que les saltimbanques buvaient et battaient leurs femmes. » Une pause. « Mieux vaut boire du vin que du sang, et battre sa femme dans une caravane que l'assassiner dans son hôtel. » C'était l'année du meurtre de Madame de Pralin. L'émotion fut immense. On courut du tribunal à la baraque. Toutes les places furent louées, et le théâtre joua devant les banquettes. Une autre fois, en 1849, il arrive à Limoges. Il n'a pas de spectacle organisé, mais simplement un directeur nommé. Le directeur, au nom de son privilège, et quoique ne jouant point, réclame des droits aux saltimbanques. On les lui refuse, il assigne devant le tribunal. C'est Bettinec qui représente la baraque. Le directeur n'était point une bête et ne manquait point d'énergie. Il marche au cœur du juge par le chemin de la vie honnête et du devoir courageusement accompli. « J'ai droit à être écouté du tribunal, dit-il. Mon passé prouve qui je suis. Je suis premier ténor maintenant, en même temps que directeur. Mais quand il l'a fallu, j'ai travaillé bravement de mes mains et j'ai brouetté la terre aux ateliers nationaux. » Bettinet se lève. « Vous calomniez les ateliers nationaux. Personne n'y travaillait. » Les juges écoutent favorablement. « Si vous parlez de vous, je vous parlerai de nous, moi. Tandis que vous ruiniez la patrie au Champ de Mars, nous la servions au Champ de Foire. Les saltimbanques faisaient des quêtes au profit des pauvres, et l'un d'eux, au nom de nous tous, portait 777 francs, je précise, entre les mains, allez-vous les salir aussi, de Lamennais et de Béranger. » Il se laissa malheureusement griser par sa salive et fut condamné, après avoir bouleversé les âmes, à mettre entre les mains du directeur 60 francs ou le cinquième de ses recettes. Le cinquième, sa vengeance est trouvée, il annonce par la ville lui-même qu'il ne donnera pas d'argent le soir au bureau. Chacun paiera en nature, croûteaux de pain, flancs, savates, gilets de laine. Le directeur prendra son cinquième. Un homme se présente avec un clisopompe. Un clisopompe est un tuyau à pompe pour l'administration d'un lavement. Passez aux premières. Il fallait entendre Bettinet raconter ses folies. Philosophe gouailleur et sceptique, il riait au nez de la chance nouvelle et s'amusait de sa décadence avec une gaieté mordante qui faisait la joie de la baraque quand le travail n'allait pas. Rosita n'était pas la dernière à applaudir du regard et des lèvres aux mots heureux. J'étais jaloux du succès du pitre, et quand je la voyais ainsi l'écouter, sans perdre une de ses paroles, un de ses gestes, ne se rappelant plus que j'étais là, attendant le mot de la fin, mon cœur se serrait, et je riais jaune quand il fallait rire. Ma douleur me rendit injuste et mauvais. J'essayais de ruiner la popularité du pitre, de lui couper le succès sous le pied par des interruptions malignes ou des réflexions d'ennuyé. Malement pris, je me mis à dos l'opinion publique et Bettinet me massacra de son ironie froide et canaille, dans son argot téméraire, avec sa langue pittoresque du faubourg. Il mit les rieurs de son côté et Rosita ne me défendit point. Je devinais à son attitude ce jour-là que j'étais perdu. Ma science était rasée, j'étais moins fort que Bettinet. Et tout mon latin n'avait servi qu'à me faire battre. L'abîme était creusé, je sentis la terre fuir sous mes pieds. Toutes mes parodies écrites, mes boniments préparés, ne valaient pas les improvisations de Bettinet, qui laissait tout au hasard, si bien que les gens même de la baraque, ces blasés, trouvaient plaisir à la parade, et allaient là comme les journalistes aux premières. « Que vint-il inventer encore ce soir ?» disait Rosita aux autres, en grimpant sur les tréteaux, sans m'avoir même regardé ou serré la main. Le piéton courageux applaudissait avec ses pieds, et le rabble mystérieux se redressait sur son espèce de séant pour regarder. Seul, je me tenais assis et silencieux, n'osant pas voir parce qu'il était des gestes qui me faisaient pâlir et que je ne voulais pas consumer ma douleur. Oh, quel moment j'ai passé alors! J'y suis presque fait maintenant, mais le premier jour, quel supplice! Supplice d'autant plus douloureux que je me débattais dans l'incertitude, que j'avais les fièvres, les angoisses, avec la convalescence et les rechutes de l'homme qui ne sait pas et ne veut pas savoir. Angoisse mille fois plus triste que la réalité. Le cerveau se brise à forger des excuses, le cœur, qui voit clair, se resserre, se crispe, s'ouvre et se ferme. Si cela avait duré quelques semaines encore, je serais mort. Mais un jour, j'appris tout. J'entendis la patronne faire une scène affreuse à Rosita, en l'accusant de lui avoir volé Bettinée, et une bataille s'engagea entre les deux femmes, où la patronne était la plus forte. Je descendis de mon fauteuil de géant, et ce fut moi qui les séparai. Rosita me regarda, hébétée, presque honteuse, honteuse pour moi. L'autre créature me rit au nez. Le piéton et le rable firent écho. Heureusement, le patron parut, et tout rentra dans le silence.